Si moi ne peux à quoi je sers sur cette terre, je me pose souvent la question. Car moi je ne sais rien faire. Oh sainte mère, est-ce une profession? Alors je danse et puis compte trois mots au bord de l'eau. D'accord, et ravistole quelques bémols sans savoir le vrai du faux. Je mets un peu de blues, un peu d'âme. Le temps d'art d'une envie de bonheur, un peu de soul et je m'enfame. Pour une vie de toutes les couleurs, je donne des blouses, un peu d'âme. Je redonne mes notes et mes humeurs. Toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. J'ai jamais su marcher tout droit sur cette terre, je prends des chemins enlacés. Et souvent laissé le choix, oh sainte mère, d'apprendre à me tromper. Alors je prends le temps, m'abandonne à ma dose de soleil. D'accord, et m'endors à la belle étoile sur ma ligne de vie, je veille. Je mets un peu de blues, un peu d'âme, de tourner d'une envie de bonheur. Je t'aime de tous, à tout âme. Je présente mes notes et mes humeurs. Toi mon amour qui m'accompagne, de ville en ville, de cœur en cœur. Je ne roule pas sur des rails, je m'attarde sur les détails, si vous le voulez. Oh, j'ai mes combines et mes ficelles. Un tiron, non, même pas Manuel. Mais moi je voudrais juste un peu de blues.